Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre diligence et de votre présence à RGM. Voilà, nous sommes une heure pour l'émission La Parole est à vous sur RGM. Alors, c'est vrai que la presse consumériste est déjà parue dans les kiosques depuis un bon moment. Parler un petit peu déjà de l'été et puis de l'actualité consumériste, en particulier avec, mais pas seulement, avec le magazine Que choisir de l'Union fédérale des consommateurs. Je vais commencer par Arnaud de Blove qui, dans son édito, dit « Prenez soin de vous. Notre numéro d'été vous aide à vous protéger du soleil et des moustiques. » Alors qu'en est-il ? L'été, les vacances, on se relâche. Mais justement parce que l'on se détend, la vigilance baisse et les risques augmentent. Sans être rabat-joie, Que choisir joue son rôle et reste en alerte. Le numéro de juillet vous le rappelle. Il faut vous protéger. La plage, la montagne, c'est chouette, surtout quand le soleil brille. Mais il peut faire mal, en particulier aux enfants. Le test de Que choisir sur 20 crèmes solaires qui leur sont destinées vous permettra d'opter pour les plus efficaces et les plus saines. L'occasion aussi de répéter des règles de bon sens et de faire le point sur les cancers de la peau, dont le nombre explose alors qu'ils sont évitables. L'été, c'est aussi la saison des sales bêtes, au premier rang desquelles les moustiques. À l'heure où le tigre conquiert le territoire, nous avons analysé, c'est toujours Arnaud de Blove qui parle, nous avons analysé donc 23 dispositifs anti-moustiques, sprays, pièges. Certains ne sont que des gadgets inutiles, d'autres sont nocifs pour l'homme. Enfin, les vacances, c'est le temps des bonnes bouffes avec des produits naturels. Certes, l'huile d'olive est désormais un incontournable de nos tables toute l'année. Mais l'été étant la saison des salades et des crudités, on y prête davantage attention. Nous avons comparé 25 huiles vierges extra, goût, origine. Il y a eu quelques mauvaises surprises. Et puis le secteur de l'huile d'olive sent un peu le soufre. Il attire les fraudeurs, comme l'explique l'enquête qui complète notre test. Voilà, donc j'ai tenu quand même à parler de Que choisir, par l'intermédiaire de l'éditeur d'Arnaud de Blove. C'est intéressant parce que dans ce numéro, je ne les commenterai pas, je n'en aurai pas le temps, bien sûr. Je vous renvoie à la lecture de Que choisir pour découvrir donc les différents thèmes abordés, en particulier, bien sûr, pour se prémunir pendant l'été. On va... Sur un autre chapitre, c'est celui du commerce. Le terme « équitable » est réservé. Fini l'équitable à toutes les sauces. Depuis quelques années, cette allégation fleurit sur bon nombre de produits, en particulier français, sans qu'ils correspondent toujours aux critères du commerce équitable tel que défini par la loi du 2 août 2005. Il était temps de l'encadrer pour éviter les dérapages, ce que fait la loi Pacte. Seuls les produits satisfaisant aux conditions du commerce équitable peuvent comporter le terme équitable dans leur dénomination de vente. Fin de citation. C'est une clarification bienvenue pour éviter que ce terme soit galvaudé. Se félicite Julie Stoula, déléguée générale du commerce équitable France, qui représente les principaux acteurs du secteur. En effet, celui-ci attise des convoitises, car il affiche une croissance spectaculaire ces dernières années. Plus 22% en 2018, avec un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros. Signe qui ne trompe pas, les articles labellisés occupent toujours le plus de linéaire chez les distributeurs conventionnels. Conséquence, les Français en ont acheté trois fois plus qu'il y a 6 ans, même si le panier moyen n'est que de 19 euros par habitant. C'est ce que tempère le président de CEF, Marc Dufumier, ce qui laisse une marge ou un progrès considérable. Alors, en ce qui concerne Marc Dufumier, il est bien connu de nos amis d'RGM, et surtout nos amis de France Nature Environnement et les amis lorrains du Laos, puisqu'il était venu en conférence à Saint-Nabor lors d'une réunion des amis du Laos, enfin une assemblée générale exactement, et il a parlé quand même de la manière dont on pouvait, avec une agriculture bio, raisonner, nourrir les 9 milliards d'hommes à l'horizon, qui peupleront la Terre à l'horizon 2050, si mes chiffres sont exacts, si ma mémoire est bonne. Voilà, on va changer de sujet, on va prendre des lessives. L'article que je vais choisir, intitulé « Le succès injustifié des liquides », a suscité de nombreuses réactions. Des lecteurs applaudissent, confortés dans leur choix. D'autres admettent que ces produits sont peu performants, mais justifient leur emploi. Le principal argument concerne l'encrassement du lave-linge. Certains préfèrent la poudre, car le liquide encrasse et laisse de mauvaises odeurs. À l'inverse, les courriers un peu plus nombreux accusent la poudre de former des bouchons collants et malodorants. Alors, qui dit vrai ? Pour les experts de que choisir, le premier facteur d'encrassement, c'est le surdosage de produits, qu'ils soient en poudre ou liquide. Comme les lave-linges réduisent leur consommation d'eau, ils le supportent de moins en moins. Le second facteur relève des températures de lavage. Les appareils tournent de plus en plus à 40 degrés, voire à 30 degrés centigrades, ce qui peut favoriser l'encrassement et les odeurs. Là encore, autant avec une lessive liquide qu'en poudre. Mais les solutions anti-encrassement sont faciles à adopter. D'une part, en réduisant les quantités, en sous-dosant plutôt qu'en surdosant. D'autre part, en faisant tourner le lave-linge à 60 degrés minimum, une fois par mois, à vide ou à charge. Voilà qu'on se le dise. Alors, que choisir ? Lance une campagne énergie moins chère ensemble. Hein, on a beaucoup de réflexions dans notre entourage en disant ouais, l'électricité augmente à une vitesse folle et comment modérer cette hausse drastique de l'énergie, comment limiter bien sûr notre consommation. Alors que les tarifs d'électricité et du gaz subissent une forte hausse, l'UFC Que Choisir allume des contre-feux. Elle lance une nouvelle campagne « Énergie moins chère ensemble » pour vous permettre d'alléger vos factures, mode d'emploi et calendrier de l'opération. Elle était réclamée par de nombreux particuliers. L'UFC Que Choisir donne le coup d'envoi d'une nouvelle campagne « Énergie moins chère ensemble » électricité et gaz de ville. Une initiative salutaire à l'heure où le tarif réglementé de l'électricité bondit de plus de 6%, celui du gaz devant prochainement connaître le même sort. Avant de disparaître, notre campagne entend permettre aux consommateurs d'échapper à la flambée des prix. L'UFC Que Choisir a donc adressé un cahier des charges aux fournisseurs nationaux pour qu'ils participent à une procédure d'enchères inversée. Le moins-disant l'emporte. Quand elle sera close, les offres lauréates seront proposées aux consommateurs qui se seront préalablement inscrits pour cette opération sur le site dédié Choisir Ensemble FR. Choisir Ensemble d'un seul mot, d'un seul tenant. .fr. Alors, l'électricité et gaz, une compétition pour trois lots. Pour une meilleure prévisibilité et sécurité tarifaire, mais également pour favoriser les énergies renouvelables. La campagne s'organise autour de trois lots. Un premier lot pour le gaz, un deuxième pour l'électricité, à prix fixe, pendant 2 ans, sans limitation du nombre de souscripteurs. Un troisième lot, électricité, soutien aux petits producteurs de renouvelables, à prix fixe sur 1 an. Pour cette catégorie, et conformément au cahier des charges établi par l'UFC Que Choisir, l'électricité doit provenir majoritairement de petits sites de production d'énergie renouvelable situés en France. Cette offre est limitée aux 40 000 premiers souscripteurs. Voilà, tarifs négociés et sécurité juridique sont garantis. Outre le volet tarif, l'UFC Que Choisir entend offrir une sécurité juridique aux souscripteurs des offres énergie moins chères ensemble, sélectionnées parmi les obligations imposées aux opérateurs, citons la pluralité des modes de paiement des factures ou encore le choix de la date de prélèvement en cas de mensualisation. De même, l'UFC Que Choisir devra être informé des éventuelles réclamations que les consommateurs adresseront aux fournisseurs et de ses réponses. Voilà, c'est une procédure, comme dit Que Choisir, d'enchères inversées, c'est-à-dire aller vers le moins-disant immédiatement. Et puis, bien sûr, c'est une opération qui permettra, enfin, il faut l'espérer, donc, de limiter le coût de l'énergie, hein, sachant bien que, comme un certain slogan publicitaire le dit, l'énergie, notre avenir, économisons-la. Et oui, parce que si véritablement on continue à consommer autant d'énergie qu'actuellement, il faudra prendre des mesures, y compris pour couvrir le territoire d'éoliennes ou de panneaux solaires. Je crois que là, il faut quand même être raisonnable et puis aller aussi vers des appareils qui consomment moins et puis modérer notre consommation. Il y a beaucoup de moyens pour cela. Voilà, et puis en passant, ce n'est pas de la publicité, c'est simplement de l'information, en kiosque actuellement, il y a le guide des cosmétiques de Que Choisir. Ça, c'est particulièrement intéressant. Nous avons beaucoup parlé du dossier de Que Choisir concernant les cosmétiques. Dès le numéro 120 de Que Choisir pratique, le guide cosmétique, deux coquilles se sont glissées dans l'infographie, l'application cosmétique en chiffres. Au moment de la publication du guide, 14 894 produits étaient notés. A, sans risque avec et sans allergène, et non 500. Pour ceux notés D, pour les adultes, risque significatif avec ou sans allergène, le bon chiffre n'était pas 1500 comme indiqué, mais 2394. Voilà, c'est Que Choisir qui tenait à faire quelques rectificatifs par rapport au guide des cosmétiques qu'on trouve en kiosque actuellement. Et puis il y a une application d'ailleurs, il y a une application smartphone pour savoir exactement quelle qualité, quelle nocivité des cosmétiques que l'on peut utiliser. Voilà pour cette première partie. Et puis, il y a un appel de la France vers l'Union européenne pour les tarifs en baisse. Depuis 2 ans, les appels passés depuis n'importe quel pays de l'Union européenne, autre que la France, sont inclus dans les forfaits des différents opérateurs. Mais ceux-ci, depuis la France, vers l'UE, restaient facturés au prix fort. Depuis le 15 mai, ils sont plafonnés. Concrètement, une minute de communication passée depuis un téléphone fixe ou un mobile français vers un numéro de l'UE, l'Union européenne, ne peut pas coûter plus de 19 centimes hors taxe, soit 22,8 centimes TTC. Quant au prix du SMS, il n'excède plus soit 6 centimes hors taxe, soit 7,2 centimes TTC. La plupart des fournisseurs français, qui étaient trop gourmands, ont dû réviser leurs tarifs à la baisse. Ces appels restent néanmoins comptabilisés hors forfait, sauf pour certaines offres dans lesquelles ils sont intégrés. Attention aussi, seules les communications vers l'UE sont concernées. Les tarifs de celles vers et depuis les pays ne faisant pas partie de l'UE, y compris la Suisse ou Andorre, eh bien oui, hein, il faut savoir que la Suisse et Andorre ne font pas partie de l'Europe, enfin de l'Union européenne. Donc ces tarifs restent, eux, complètement libres. Donc méfiez-vous quand vous êtes en Suisse. Hein, Tout est très cher dans ce pays-là, et même les communications téléphoniques. Voilà, alors on va parler avant une pause musicale, donc d'une arnaque informatique. Non, Microsoft ne rembourse pas. Les escrocs ne reculent devant rien. Non content de s'être fait passer pour des membres de services d'assistance informatique par téléphone, certains n'hésitent pas à rappeler leurs victimes sous un autre prétexte pour tenter à nouveau de les arnaquer. Bernard en a fait les frais. Le retraité avait, dans un premier temps, déboursé 799 euros pour remettre de l'ordre dans son ordinateur après l'apparition sur son écran d'un message inquiétant et d'un numéro de téléphone à contacter. Quelques semaines plus tard, il recevait l'appel d'une jeune femme se revendiquant de Microsoft qui lui proposait non seulement de lui rembourser les 799 euros versés, mais aussi de lui octroyer une prime de 1000 euros à titre de dédommagement. Cette fois, le piège était grossier. Sans fournir à Bernard les explications qu'il souhaitait, elle lui demandait de se rendre dans un bureau de tabac afin d'y acheter pour 200 euros de Paysafécard, exactement. Un système de paiement prisé des crapules en tout genre. Heureusement, Bernard n'a pas donné suite. Conclusion, méfiez-vous des inconnus vous réclamant de l'argent. Surtout quand ils vous recommandent d'utiliser un système de paiement intraçable. Tels les bons Paysafécard, les cartes PCS ou les transferts Western Union. Voilà, il faut se mettre en garde parce que ça n'arrête pas. Hein. Ça n'arrête pas en ce moment sur les réseaux sociaux de trouver ce type de message. Et puis la prise en otage des internautes, ça existe aussi. Malheureusement, je crois que là, les opérateurs ont quand même des responsabilités en la matière qu'ils n'assument pas toujours. Alors, on va s'accorder une pause musicale, hein, puisqu'on en a parlé. On va un petit peu au soleil, si Marion veut bien. Voilà, on y arrive. La mer sans arrêt roulait ses galères. Les cheveux défaits. Ils se regardaient dans l'odeur des pins, du sable et du thym qui baignaient la plage. Ils se regardaient tous deux sans parler, comme s'ils buvaient l'eau de leur visage. Et c'était comme si tout recommençait. La même innocence les faisait trembler devant le merveilleux, le miraculeux voyage de l'amour. Dehors, ils ont passé la nuit l'un contre l'autre, ils ont dormi la mer longtemps les a bercés. Et quand ils se sont éveillés, c'était comme s'ils venaient au monde dans le premier matin du monde. La mer sans arrêt roulait ses galères. Quand ils ont couru dans l'eau les pieds nus, à l'ombre des pins se sont pris la main. Et sans se défendre, sont tombés dans l'eau comme deux oiseaux. Sous le baiser chaud de leur bouche tendre. Et c'était comme si tout recommençait. La vie, l'espérance et la liberté. Avec le merveilleux, ira retrouver Jean Ferrat. Et puis bien sûr, l'été, la plage. Alors, on va reparler des cosmétiques. Il apparaîtrait des contrôles fructueux. Récemment, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, et l'Agence nationale de sécurité du médicament, la ANSM, ont toutes deux dressé le bilan de leur contrôle sur les cosmétiques. Parmi les nombreux sujets abordés, la présence de nanoparticules dans les produits est une information du consommateur lacunaire à ce sujet. L'étiquetage obligatoire n'étant pas toujours respecté, particulièrement inquiétante l'exposition par inhalation, car les particules risquent de pénétrer profondément dans les poumons s'il utilise des sprays. Le consommateur doit veiller à ne pas vaporiser à proximité du visage, ni dans une atmosphère confinée, et à ne pas trop respirer les émanations. Quant à l'opération de contrôle dans les instituts de beauté et autres spas, elle met en lumière de nombreuses insuffisances. Par exemple, l'exposition de la clientèle est mal prise en compte dans l'évaluation de la sécurité des produits. Donc, il vaut mieux éviter de vaporiser un produit cosmétique sur le visage, en quelque sorte d'ailleurs sa composition. Alors, on va reparler un peu du domaine de la santé. Enfin, on y est quand même, hein, parce que je crois que le problème des cosmétiques, c'est un problème central, puisque les femmes en particulier en utilisent de nombreux tous les jours. Alors, le tabagisme. Oui, c'est aussi, j'allais dire, un problème plus aigu, plus préoccupant chez les femmes. Il y a quand même moins de fumeurs, ça nous rassure. Amorcée en 2017, la tendance se confirme en 2018. Le nombre de personnes fumant tous les jours a reculé l'an dernier. La France comptait 600 000 fumeurs de moins, selon les comptes de Santé publique France, publié dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Le tabagisme quotidien concernait en 2018 25,4% des 18-75 ans, contre 26,9% un an plus tôt. La quantité de cigarettes fumées par jour, 13, a également chuté. Ces bons chiffres ne peuvent que réjouir, surtout s'ils se maintiennent. Mais leur impact sur la santé ne sera tangible qu'à moyen terme. Pour l'heure, on constate les répercussions de la consommation de tabac des années 1970-1990. Elles sont terribles. En 2015, le tabac était responsable de 75 000 décès, dont plus de 28 000 dus au seul cancer du poumon. Il est aussi à l'origine de 13% des morts enregistrées dans l'Hexagone. Chez les femmes, la part de décès qui lui sont attribuables continue d'augmenter alors qu'elle baisse légèrement chez les hommes. Bah oui, parce que là, bien sûr, les moyennes sont ce qu'elles sont et on a plutôt tendance à constater un tabagisme féminin alors que les hommes fument moins et de moins en moins. Alors, on va parler d'automédication. Streffen, désormais sur ordonnance. Censé soulager les maux de gorge, les pastilles de Streffen, fluorbiprofène, ne sont plus délivrées que sur ordonnance. Depuis fin mai, impossible d'en acheter librement en pharmacie, comme c'était le cas depuis le début de leur commercialisation en 2007. La décision intervient peu de temps après la mise au point de l'Agence nationale de sécurité du médicament sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont fait partie les furbiprofènes. Donc ces médicaments peuvent se révéler dangereux en cas d'infection. Ils sont soupçonnés de provoquer de rares mais graves complications. Mais après une courte durée de traitement, les AINS exposent également au saignement digestif, aux nausées, ou à des réactions allergiques. Ils sont aussi contre-indiqués après le cinquième mois de grossesse. la revue médicale indépendante Prescrire, estimant même préférable que les femmes enceintes s'en passent complètement. Les pastilles présentent surtout un risque non négligeable de surdosage. Si un autre produit de ce type, ibuprofène, kétaprofène, est pris en comprimé, le mieux aurait été de carrément évincer Strephène, et ses génériques, du marché, d'autant que cette spécialité n'a pas fait la preuve de son efficacité contre les maux de gorge, au point que les autorités ont jugé son service médical rendu insuffisant et l'ont exclu dès le départ du remboursement par l'assurance maladie. Pour le mal de gorge, la seule molécule qui montre un effet est le paracétamol. Sucer des bonbons peut également contribuer à atténuer temporairement la douleur. Voilà, ben, que dire par rapport à ça? Ben, je crois que quelquefois, de simples sprays à la propolis suffit largement à calmer les maux de gorge qu'ils ont pris dès le début. Hein. Je crois que là, tous les produits chimiques, les médicaments que l'on peut prendre, ben, sont toujours souvent avec des effets secondaires. Et puis leur efficacité n'a pas l'air d'être prouvée. Voilà, on va changer de sujet. Après ces sujets qui concernent essentiellement la santé, on va parler d'alimentation. L'abricot fermier sera calibré désormais. Ça sert à quoi? Pas grand-chose. Mais dès 2020, les producteurs fermiers qui vendent leurs abricots sur les marchés devront respecter les mêmes normes de calibrage, tri, selon la taille ou le poids et l'emballage pour les abricots à confiture, que les détaillants en circuit long. Ainsi en a décidé l'interprofession des fruits et légumes frais. Les cultivateurs seront donc contraints de passer du temps à trier leurs fruits, à moins de s'équiper en calibreuse automatique. Une bagatelle de 20 000 euros pour une machine. Ça n'a pas de sens pour les clients. Ils ne recherchent pas des fruits calibrés quand ils achètent un produit fermier. Au contraire, proteste André Bouchu, représentant de la Confédération paysanne Interfel. Et quelle sera l'étape suivante? Faudra-t-il donc calibrer tous les fruits et légumes? Ces normes existent depuis plus de 10 ans. Elles englobaient déjà la vente directe sur les marchés, la vente à la ferme en est exemptée. Mais elle n'était pas applicable. Faute de moyens de contrôle, Interfel explique que son objectif principal est d'y remédier et de proposer les meilleurs abricots aux consommateurs, en excluant les petits fruits passés mûrs et de limiter les ventes sauvages au bord des routes. Il s'agissait aussi de diminuer le gaspillage alimentaire en valorisant les petits calibres et les fruits comportant des défauts qui seraient préemballés et vendus comme abricots à confiture, au lieu d'être jetés. Ces arguments interpellent. Le calibre n'est pas synonyme de qualité. Quant aux fruits abîmés, ils sont déjà valorisés comme abricots à confiture, mais sans suremballage, avec des films plastiques. Voilà que ce qu'on peut dire. Alors moi, je trouve tout à fait malvenue cette mesure, parce que c'est simplement que les grands producteurs veulent imposer des normes aux petits producteurs, aux producteurs fermiers, et puis garder leur propre marché. Mais quand on sait aussi les abricots qu'on achète en grande surface, par exemple, hein, pour parler que des abricots qui sont durs, pas mûrs, vraiment dégueulasses, permettez-moi l'expression, on peut se demander quand même quels fruits on vend, les grossistes, les producteurs, les grands producteurs, quels fruits ils vendent. C'est-à-dire que pour être les premiers sur le marché, ben on met en rayon des fruits de très mauvaise qualité et qui sont, au point de vue gustatif, au point de vue maturité, bien en dessous de ce qui devrait être. Parlons aussi des pommes. Et puis il faut en parler maintenant de cet aspect, puisqu'on a déjà des abricots pas mal dans les gondoles des supermarchés. Voilà, alors les pommes, y compris des abricots français, hein, qui sont bien sûr, qui sentent la flotte et qui sont mal mûrs comme tout. Les pommes, une démarche pas très emballante. La grande distribution n'est pas en reste pour communiquer sur les efforts qu'elle engage afin de vendre des aliments plus verts. l'enseigne Leclerc mise et le fait savoir. Sur la certification HVE, haute valeur environnementale, pour les pommes vendues sous ses marques propres, marques repères et nos régions ont du talent. Sous l'égide du ministère de l'Agriculture, le logo issu d'une exploitation HVE distingue les agriculteurs engagés dans des démarches préservant l'environnement selon quatre critères. Le respect de la biodiversité, une bonne gestion des produits phytosanitaires, mais il n'y a pas d'absence de produits phytosanitaires, bien sûr, de la fertilisation et de l'irrigation, une démarche censée diminuer la pression sur l'environnement en adoptant des pratiques vertueuses pour la nature. Ce que rappelait le distributeur dans un communiqué diffusé fin avril. Leclerc met le paquet sur l'environnement en oubliant un peu vite le problème de l'empaquetage. Car pourquoi tant d'efforts au niveau de la production pour nous proposer des pommes habituellement vendues en vrac et peu fragiles dans des barquettes entourées de fines plastiques non recyclables, participant ainsi à la pollution par ce matériau. Pour des questions de publicité pour le consommateur, argue l'un des producteurs de pommes contactés par Que Choisir. Ce dernier précise que ce format pré-emballé est stipulé dans le contrat signé avec Leclerc, qui n'a pas confirmé, bien entendu. Pour rappel, environ 90 milliards d'emballages passent chaque année entre les mains des Français et constitue la part la plus importante du contenu des poubelles. Oui, parce que, bien sûr, il y a quand même des bons citoyens qui trient. Mais qu'est-ce qu'on peut faire des emballages plastiques, c'est ça, hein? Ils remplissent nos poubelles et on n'y peut absolument rien. On ne peut même pas brûler ça dans une chaudière parce que ça risque d'être nocif. Quant à ceux en plastique, les emballages, à peine 22% sont recyclés. Des fruits plus verts, mais plus de plastique, on est paumé, dit Que Choisir. Ah ben oui, les producteurs, puis surtout les grandes surfaces, ben, ils n'hésitent pas à faire de la publicité. Et puis on sait aussi que ces produits pré-emballés, ben, ils ne sont pas exempts de produits phytosanitaires. Alors quelle est la norme aujourd'hui pour des pommes, par exemple? Puisqu'on parle là de pommes, ah ben, ça peut aller jusqu'à 30 produits sanitaires sur des pommes. Enfin, pas 30 produits sanitaires, mais 30 aspersions de produits sanitaires sur des pommes. Autant dire quand même que ces produits non bio, ils sont particulièrement à éviter. Voilà, et puis on va revenir un peu en été. Moi, bon, on va encore s'accorder une pause musicale, hein, parce que là, j'adore Pierre Perret. Hein, c'est une chanson des années 80, mais cette chanson-là, elle est toujours d'actualité. 80-90, je ne sais plus. Marion pourra peut-être nous dire la date. Hein. Je suis vert, vert, vert. Je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre, cette jolie terre que nos pères, nos grands-pères avaient su préserver durant des millénaires. Les rivières écument, les usines fument, les moutons mangent leur papa changé en granulé. Les déchets ultimes, la vache folle en prime, sont un petit cadeau du ciel de nos industriels. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre. De Brest aux Maldives vont à la dérive des poubelles radioactives jusqu'au fond des lagunes. Et même sans tapage, des maires de village en enterrent dans leur commune pour faire entrer des thunes. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre. Les blés, les patates sont bourrés de nitrate, on shoot aussi bien les veaux que les champions au niveau. On se fait les tartines au beurre de dioxine, en voiture on a le point vert pour doser nos cancers. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre. confine la terre. Sous la couche d'ozone, l'oxyde de carbone d'une forêt si précieuse tant que les tronçonneuses. L'air pur s'amenuise, nos sources s'épuisent, mes colorants, salmonellose, nous font la vie en rose. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces profits qui bousillent la terre. Pour qu'il n'y ait pas de panique, leur poison transgénique, ils les nomment science de la vie ou biotechnologie. Leurs gènes font la nique aux antibiotiques. Pour guérir nos infections, faudra de l'inspiration. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre. Tous les ans, bonhomme, 7 milliards de tonnes de gaz mortels, CO2 s'envolent dans les cieux. L'effet de serre menace, ça fait fondre les glaces. La mer monte, c'est sans danger, il n'y aura qu'à éponger. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre. Il y a ceux qui chantent la chanson du profit contre tous ceux qui aiment la chanson de la vie. Et ben voilà, Pierre Perret, la chanson de la vie, vert, vert de colère. Et c'est 98 finalement. Merci Marion. Marion qui assure la technique aujourd'hui de l'émission La Parole est à vous. Voilà, que dire encore par rapport à cette chanson, hein, qui est toujours d'actualité, comme je le disais à l'instant, hein, que véritablement il a soulevé. Elle soulève en 98 déjà les problèmes qui sont de plus en plus actuels. Hein, via savoir aussi le problème des antibiotiques et puis des résistances aux antibiotiques parce qu'on en a mis un peu trop dans la nature, y compris bien sûr dans la nourriture pour traiter les animaux. Et à tel point qu'aujourd'hui, y a des bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques. Voilà, et que en l'avenir, on n'aura peut-être pas la possibilité de guérir certaines infections par les antibiotiques que l'on utilisait jusqu'à présent. Voilà, on va partir un peu sur les plages. Hein. Les baignades en mer. Prudence de rigueur. Alors, c'est que choisir encore, là, que je cite. À la suite de notre article « Baignade en mer », des dangers très mal signalés, François Barguin, gérant de la société du tramway touristique de Saint-Trojan, a tenu à réagir. C'est à bord de ce petit train qui circule sur l'île d'Oléron, à la Charente-Maritime, comme chacun sait, qu'un couple de retraités s'était rendu sur une plage réputée pour sa dangerosité. L'un et l'autre s'étaient noyés dans cette zone non surveillée. La famille a engagé une action en justice et la commune de Saint-Trojan-les-Bains a été condamnée en février dernier à lui verser 230 000 euros de dommages et intérêts. Il lui était notamment reproché, à la commune bien sûr, son défaut d'information sur les dangers qu'il y avait à se baigner à cet endroit. On ne saura jamais ce qui s'est réellement passé, comme l'un et l'autre se sont noyés. C'est ce qu'assène François Barguin. L'un des enfants des victimes nous a incriminés parce que nous ne passons pas de message d'information sur ces risques à bord du train. D'abord, nous n'avons pas l'autorité pour cela. Ensuite, cette plage fait 5 km de long. Le couple s'est, semble-t-il, baigné au pire endroit, là où deux courants se rencontrent, et placé dans ce secteur des panneaux d'avertissement visibles et compliqués. Il serait vite emporté par la mer sous l'effet des marées. Cette mise au point vient le rappeler. Au bord de mer, il est vivement conseillé de se baigner dans les zones surveillées. De belles plages, peu fréquentées, sont certes très tentantes, mais elles peuvent être de redoutables pièges. Les gens du cru le savent, pas les touristes. Prudence donc. Un petit commentaire par rapport à ça. Hein. Bien sûr, il y a la dangerosité de certaines plages. Et puis même des plages surveillées, quelquefois, lorsqu'on enlève ses lunettes pour se baigner, on n'est pas toujours à même de juger la dangerosité de certains endroits qui sont juste à côté de la plage. Hein, il faut que quelquefois que le maître nageur, les maîtres nageurs sauveteurs le rappellent, parce que ben oui, c'est pas très lisible. Et puis il y a des zones certes délimitées, mais pas toujours de manière très cohérente. Voilà. On va parler, et puis bien sûr, ça n'empêche pas quand même de vous souhaiter de bonnes vacances sur nos plages françaises ou européennes, bien entendu. Alors, on va changer de sujet, on va parler d'envoi express. L'UPS se rattrape. Nous racontions, dit que choisir, dans notre rubrique, ça pourrait vous arriver, du mois d'avril, l'histoire d'un passeport transporté par UPS. La société de livraison avait promené le document dans Paris et ses environs pendant une dizaine de jours, empêchant notamment son titulaire de prendre un avion pour regagner son domicile aux États-Unis. Ses multiples demandes au service client étaient restées sans réponse. Bien inspirée, la victime a envoyé copie de notre article au transporteur. Miracle, elle a été contactée dans la foulée et le billet d'avion a été remboursé par UPS. Un dénouement heureux dans ce cas. Mais faut-il que tous les consommateurs qui demandent légitimement une indemnisation à une société voient leur cas personnel traité dans Que choisir pour obtenir gain de cause? La crainte de voir leur image écornée est-elle le seul moteur des entreprises dans leur relation avec leurs clients? Ben voilà, c'est à la fois une bonne nouvelle, puis c'est à la fois une question qui doit être posée, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'au niveau des livraisons de colis, et puis même des lettres par la poste aujourd'hui, qui est quand même de plus en plus privatisée, on pourrait dire, hein, dans la réalité, qui est de moins en moins un service public, bon, on s'aperçoit quand même d'une baisse de qualité dans l'acheminement des lettres et surtout des paquets, qui est quand même assez faramineuse. Voilà. Donc, on va parler de l'eau. Ah oui, de l'eau. De l'eau, il y a un billet d'Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir, qui est très caractéristique, qui est très révélateur quand même de l'eau. On en parle beaucoup dans les Vosges à cause justement du groupe Nestlé, qui exploite de manière éhontée la nappe phréatique, beaucoup au-dessus des réserves, hein, pour créer de l'eau non minérale la plupart du temps, au détriment des consommateurs. Également, des agriculteurs qui utilisent beaucoup trop d'eau et qui épuisent la nappe phréatique. Alors, que dit Alain Bazot? Tandis que la période estivale sonne l'heure des alertes sécheresse, pointant les problèmes de disponibilité et de qualité de la ressource aquatique, comment ne pas dénoncer à nouveau le manque cruel de réformes ambitieuses et cohérentes pour préserver ce bien commun? Comment ne pas s'indigner du fait que les consommateurs soient les vaches à lait de l'eau, les victimes et les payeurs de politiques aberrantes, aux antipodes du principe préleveur-pollueur-payeur, et de tous ceux posés par la directive cadre de l'eau? La répartition actuelle fait en effet injustement peser le coût de prélèvement et de dépollution essentiellement sur les particuliers, en lieu et place de la principale responsable, l'agriculture intensive. Je dis bien l'agriculture productiviste et intensive, pas les agriculteurs ou les paysans, car c'est bien le système d'aide européenne et française défendu par la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, qui incite les fermiers à se tourner vers des monocultures, notamment le maïs, aussi gourmandes en eau et en pesticides qu'inadaptées à nos conditions naturelles. En matière de politique de l'eau, tout n'est qu'incohérence, ineptie et injustice. À l'heure de la révision de la PAC, politique agricole commune, à l'échelon européen et des assises de l'eau au niveau national, les pouvoirs publics doivent renverser la tendance, à moins que, comme la ressource, il ne soit à sec en matière d'ambition et de courage. Ben, on pourra ajouter par rapport à ce billet d'Alain Bazot, hein, qui est vraiment, qui dénonce cette agriculture productiviste, hein, qui aussi nous empoisonne par certains côtés, avec ses pesticides, avec ses... Bon, on peut rajouter aussi le fait que des grands groupes puissent trop d'un nappe phréatique, comme je viens de l'évoquer pour le département des Vosges, la région de Vittel, etc. Et qu'on accompagne, et que les collectivités territoriales accompagnent ces lobbies pour puiser toujours davantage d'eau dans la nappe phréatique. Dans la nappe phréatique des Trias, pour être précis. Voilà, il fallait quand même le redire. Hein, en France, malheureusement, l'agriculture intensive est reine, et puis contribue à épuiser la nappe phréatique, contribue à polluer la nappe phréatique, continue à polluer nos cours d'eau. Voilà. Alors, on va parler des actions nationales pour l'actualité consumériste, enfin des actions nationales en particulier, de que choisir. Alors, Alibaba, de quoi s'agit-il ? La répression des fraudes nous rejoint, dit que choisir. Alerte prise au sérieux. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, a répondu à l'appel des consommateurs dans le cadre d'une action concertée avec 6 autres associations européennes. L'UFC Que Choisir l'avait pressé d'enquêter sur Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne, pour son site AliExpress. L'analyse du service juridique de l'UFC Que Choisir a relevé de nombreuses pratiques et clauses contractuelles qu'elle estime illégale et ou abusive, comme des restrictions à l'exercice du droit de rétractation de 14 jours ou l'emploi de la langue anglaise. Quelques heures après l'envoi de la lettre de saisine, le porte-parole de la DGCCRF déclarait publiquement, citation, « Les questions que ce courrier pose sont d'une très grande pertinence et on donnera les suites nécessaires. » Fin de citation. La répression des fraudes a par ailleurs annoncé un renforcement des enquêtes concernant les places de marché si Alibaba se félicite de bénéfices records, il n'est pas possible qu'il les réalise au mépris des droits des consommateurs. Des droits non négociables, dit que choisir, et à juste raison. Voilà, on va parler de la résiliation des complémentaires santé, mais après, bien sûr, avoir parlé de la flambée du prix de l'électricité. Hein, je l'ai évoqué au début de ce magazine Conso, il faut quand même qu'on y revienne, parce que l'UFC a saisi le Conseil d'État. Depuis le 1er juin, l'électricité au tarif réglementé coûte plus cher, un bond de 5,9%. L'exécutif est resté sourd à nos appels, dit que choisir, répété, et a refusé, bien sûr, cette hausse proposée par la Commission de régulation de l'énergie. Une majoration par ailleurs vertement critiquée par l'autorité de la concurrence. L'UFC Que Choisir a donc saisi le Conseil d'État conjointement avec l'association CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie. Nous demandons à la plus haute juridiction administrative de constater que cette augmentation, qui grève le budget des ménages de près de 85 euros par an en moyenne, est infondée juridiquement, notamment en ce qui concerne le respect des règles de calcul posées par la loi. Loin de se limiter à la reprise en compte des coûts de fourniture de l'électricité d'EDF, la hausse sert surtout a gonflé de 87% la marge de l'opérateur historique. Décider à utiliser tous les leviers permettant aux consommateurs d'échapper à cette flambée tarifaire, l'UFC Que Choisir a par ailleurs relancé la campagne Énergie moins chère ensemble. Ainsi, j'en ai parlé à l'instant, ainsi le site dédié Choisir Ensemble FR donne accès à des offres financièrement attractives. Voilà, je crois que c'était nécessaire de saisir le Conseil d'État. Alors, quant à la marge bénéficiaire d'EDF, ne peut-on pas se poser la question, justement, du programme nucléaire passé qui a véritablement plombé les coûts, hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'enfouissement des déchets nucléaires, ça coûte un prix fou, etc. Le stockage, l'enfouissement coûte un prix fou. Et puis le démantèlement des centrales vétustes risque de coûter encore beaucoup plus cher. Alors, est-ce que c'est pas ça qui est déjà répercuté dans le prix de l'électricité? Je crois qu'il est bon de se poser la question. Il est bon de se poser la question de ce programme nucléaire qui a été institué dans les années 70, 80, et qui était véritablement imprévoyant par rapport au coût final de l'électricité, même si à l'époque l'électricité française était très bon marché. Voilà. Alors, oui, les fameux casse-moteurs. Ah, c'est intéressant parce que je sais que personnellement, je roule sur Renault et puis après, il y a des choses à dire. Il y a des constructeurs automobiles qui sont mis en demeure actuellement. Le mutisme de Renault à propos d'un défaut des moteurs 1,2 type H5FT fabriqué entre 2012 et 2016, a fini par excéder l'UFC Que Choisir. Le dysfonctionnement connu du constructeur engendre une surconsommation d'huile pouvant aboutir à une casse moteur. L'UFC Que Choisir alerte les propriétaires des près de 400 000 véhicules Renault, Dacia, Nissan et Mercedes équipés d'un moteur essence 1.2 TC ou 1.2 DIG série Euro 5 de type H5, affectés de cette grave anomalie. Nous les invitons à consulter sur notre site quechoisir.org la foire aux questions et le modèle de courrier pour dénoncer le vice caché. L'UFC Que Choisir a également mis en demeure les 4 fabricants concernés de procéder à un rappel de tous les véhicules aux moteurs défectueux, afin de procéder aux interventions nécessaires et de prendre en charge ou de rembourser l'intégralité des frais de réparation. Ces derniers sont loin d'être minimes, puisqu'ils peuvent atteindre 10 000 euros, ce problème pouvant toucher des voitures hors de nos frontières. Le FC Que Choisir a aussi alerté ses homologues européens. Une action concertée est aujourd'hui envisagée avec eux. Oui, je crois qu'il y a quand même des grands scandales, et puis quand on parle du véhicule Renault certains garagistes, certains types de véhicules Renault, certains types de moteurs, plus exactement certaines séries, on peut penser qu'effectivement, on a des malfaçons, des vices cachés qui peuvent quand même engendrer de graves problèmes. Ben voilà, on arrive au bout de ce magazine, n'est-ce pas, Marion? Merci, Marion, d'avoir assuré la technique. On vous donne rendez-vous, bien sûr, à mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous. Et je pense là que l'on aura au moins un invité. À très bientôt. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.